Les mutants venant directement de la 8e dimension. Je ne suis pas un numéro. My God, it's full of stars. Lisette Oshiro. 3, 2, 1. La même A présente. Tokyo Mental. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Tokyo Mental. Hi. Tare. Bonsoir. Bienvenue au Dunout, arpenteur des émotions sonores, vagabond des fréquences modulées. Juste avant, c'était un magnifique morceau composé pour le jeu Game par M2U, un producteur de musique coréen dont je passe souvent les productions dans l'émission. Et maintenant, ce qu'on entend derrière ma voix, c'est la version jazz de Peaceful Times, de la bande originale des films Evangelion Rebuild, composée par Sagisu Shiro. C'est étonnant le poids de l'éducation qui conditionne l'individu à penser à partir de lui sans se poser de questions. Et je ne suis pas différent des autres. Ça fait 33 heures que j'emploie le mot audionaute, qui est un mot qui n'existe pas et qui en plus est non genré, et pourtant je conditionne tous les accords de mon introduction à partir de lui en le considérant comme masculin, et tout ça parce que je suis un garçon. Alors que je connais des femmes audionautes qui écoutent Tokyo Mental. Ce soir, c'est décidé, je change de point de vue. Désormais, audionaute sera féminin définitivement. Et je fais ce que je veux parce que j'ai inventé le mot. Bienvenue audionaute, vagabonde des fréquences modulées, arpenteuse des émotions sonores. C'est bizarre, hein, les garçons, on a l'impression d'être exclu tout d'un coup, alors que d'habitude, c'est le langage courant qui exclut la moitié de l'humanité sans que ça dérange personne. Vous écoutez la 33e heure de Tokyo Mental en direct depuis votre poste FM sur 95.9 MHz à Poitiers et aux alentours. Et dans le reste du monde, en streaming sur radio-pulsar.org. Et justement, j'en profite pour saluer les Japonais qui nous écoutent depuis le Japon avec 7 heures de décalage. Là-bas, en ce moment, il est 4h du matin. Minasan, how are you? Franzue, yokoso. Ima... Tokyo Mental を聞いています。 Watashi wa Narata desu. Kore kara 60 bunkan issho ni imasu. Si vous voulez interagir avec l'émission avec d'autres audionautes et moi-même, vous pouvez vous rendre à l'adresse web suivante https://social.vivaldi.net/@ramenup qui s'écrit R-A-M-E-N-U-P. Là-bas, je publie notamment en temps réel les noms des morceaux et des artistes en cours de diffusion et un lien YouTube du clip vidéo correspondant. Cette semaine, en plus de la K-pop qui s'installe durablement dans Tokyo Mental depuis quelques émissions, voici venir la Thai-pop. En la personne d'un artiste du nom de Pepe Krit. N'oubliez jamais que nous sommes les faiseurs de musique et que nous sommes les rêveurs du rêve. Sur ce, bonne émission à tous. On se retrouve dans une petite heure pour que je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. À tout à l'heure. Every time you're more, I don't. 너 한 번만 더 해봐. そのまま夢見るように瞳を閉じて連れ去って消え去っていくだけ嘘ばかり指先合わせ溶ける幻を追いかけて飲み込んだ息吐き出す場所を探してる 東京 なんだよ メンタル 刺激的と見越した綴らせてここにはゴールを for your nico nico knees. Mental est bientôt fini. Si vous êtes passé par là, eh bien, et que vous êtes resté, ben merci beaucoup. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et une bonne nuit. À mon avis, vu qu'on est vendredi et vu la température qu'il fait ici à Poitiers, il y a peu de chances que vous vous couchiez tôt. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi, de 21h à 22h pour de nouvelles aventures. D'ici là, ben, à plus !